si j'suis dans le truc. Dans le truc, j'me suis cassé la gueule. J'sais que ça leur a plu. Et t'sais qu'on respecte, équipe hermétique, et tu fais des pics. T'sais qu'on tourne avec, on l'a dans la sacoche, comme au Mexique. Mélange dans la vitelle, moto, j'vise la tête et la puitette. J'voulais descendre au Madame's, j'voulais pas me lever pour un boulot. On va pousser la zipette le jour, le soir on boit à la Vovo. Bah ouais, rien n'est factice, numéro 10. Marseille, il m'a gâté, tu nous connais. Ma belle, tu m'as fait du mal, la monnaie apaise. Ma belle, je vais quitter la France. Oui, m'a gâté. Tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Sans ice, sans ice. Mode Akimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice. Khalas, Jonke, Dallas, dans son nom madame, ça montre famille Adams, Clocor, Famas, Espagne, bon shit, kilo, go fast, détail en grammes, fais des trajets en tram, en trans, le petit l'a grandi trop vite, ça pourrait se finir en drame, pendant que ça fait de la birdia, j'ai retiré, j'ai donné deux marrons au SDF parce qu'il faisait birdia, c'est pour les cassos qui ont des fusils d'assaut, Kimbo dans la sacoche, qui traîne avec des garçons, la Matrix, j'ai les lunettes à néo, t'as mieux qu'à eu le Covid, je voulais plus te dire hello, chapka, DP, masque, elle piste avec des yeux d'amour, je le fais comme The Mask, si on te veut du mal, écoute Max, prends-toi un gilet, une guitare, un T-Max. Max, y'a le Covid, non, ne fume pas sur ma cache. Y'a des féfés, des tam-tam, des CZ dans le cortège. Matrix, lunettes de ski, ça sort sur la neige. De la moula bien servie et le réseau monte en flèche. Rien n'est factice, numéro 10. Marseille, il m'a gâté, tu nous connais. Ma belle, tu m'as fait du mal, la monnaie apaise. Ma belle, je vais quitter la France. Le sky, prends un verre de sky. Sans ice. Mode Akimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice. Libérez mon H, libérez chef, dis c'est James. C'est qu'on veut s'y mettre, tout droit sur un adar. J'dis ça va et la baisse, si tu mets la baisse, Los Angeles. Marseille, vieux port, Doré Adar. Capuché dans le Macan, faut qu'on trois chauffe dans la Mégane. On arrive, ça fait vacarme, ligne complète, 4-4 et cab. Capuché pour la plata, y'a que la race à la bleue. Motherfucker, j'arrive comme trinque, j'ai fumé de la skunk, j'ai enfumé tout le bloc. Motherfucker, j'ai pas de glock, mais là je vais m'en prendre un avec ce qui se passe dans le glock. Plutôt tu es dans la mer, va falloir te cacher dans la mer. T'as fait des trous, t'as fait des trous. Maintenant ils veulent tous te niquer ta mère. J'connais la victoire, j'connais l'échec. Envoie les chèques, on me dit que je les choque dans les chartes. Y'a des frérots qui galèrent au cachot. Et d'autres t'en fais des dingueries qui doivent se cacher. Frérot, j'suis fâché, j'vais tout arracher. J'suis fait d'or et de platine, moi j'suis pas fait pour clasher. L'OVNI, la machine avec le S est magique. On raconte le vécu de nos vies tragiques. Bah ouais, rien n'est factice, numéro 10. Marseille, il m'a gâté, tu nous connais. Ma belle, tu m'as fait du mal, la monnaie apaise. Je vais quitter la France, oui m'a gâté. Tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Sans ice, mode Akimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice. Tu vas toucher le sky, prends un verre de sky. Sans ice, mode Akimbo, si tu cognes comme Kimbo, slice.